Le lendemain de cette aventureuse et tragique soirée, lorsqu'au petit jour notre héros se réveilla et qu'il eut acquis la certitude que le prince et le magot étaient réellement partis, partis sans retour, lorsqu'il se vit seul dans cette petite tombe blanche, trahi, volé, abandonné en pleine Algérie sauvage, avec un chameau à bosse simple et quelques monnaies de poche pour toute ressource, alors, pour la première fois, le Tarasconnais douta. Il douta du Monténégro, il douta de l'amitié, il douta de la gloire, il douta même des lions. Et, comme le Christ à Gethsémani, le grand homme se prit à pleurer amèrement. Or, tandis qu'il était là pensivement assis sur la porte du marabout, la tête dans ses deux mains, sa carabine entre ses jambes, le chameau qu'il regardait, soudain, le maquis d'en face s'écarte et Tartarin, stupéfait, voit paraître, à 10 pas devant lui, un lion gigantesque, s'avançant la tête haute et poussant des rugissements formidables qui font trembler les murs du marabout, tout chargé de ripaux. Seul, le Tarasconnais ne trembla pas. Enfin! Cria-t-il en bondissant la crosse à l'épaule. Pan! Pan! Pfft! Pfft! C'était fait. Puis tout retomba, et Tartarin aperçut deux grands nègres furieux qui couraient sur lui, la matraque en l'air. Les deux nègres de Milianah. Oh misère! C'était le lion apprivoisé, le pauvre aveugle du couvent de Mohammed, que les balles tarasconnaises venaient d'abattre. Après l'Algérie des tribus, qui venait de parcourir, Tartarin de Tarascon connut alors une autre Algérie, non moins cocasse et formidable, l'Algérie des villes, procédurière et avocatière. Une fois tout payé, il ne restait plus à Tartarin que la peau du lion et le chameau. La peau, il l'emballa soigneusement et la dirigea sur Tarascon, à l'adresse du brave commandant Bravida. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il advint de cette fabuleuse dépouille. Quant au chameau, il comptait s'en servir pour gagner Alger, non pas en montant dessus, mais en le vendant pour payer la diligence. Malheureusement, la bête était d'un placement difficile et personne n'en offrit un liard. Tartarin, cependant, voulait regagner Alger à toute force. Il avait hâte de revoir le corselet bleu de Baïa, sa maisonnette, ses fontaines, et de se reposer sur les trèfles blancs de son petit cloître, en attendant de l'argent de France. Aussi, notre héros n'hésita pas, et navré, mais point abattu, il entreprit de faire la route à pied, sans argent, par petites journées. En cette occurrence, le chameau ne l'abandonna pas. Cet étrange animal s'était pris pour son maître d'une tendresse inexplicable, et le voyant sortir d'Orléansville, se mit à marcher religieusement derrière lui, réglant son pas sur le sien et ne le quittant pas d'une semelle. Au bout de quelques jours, le Tarasconnais s'ennuya d'avoir perpétuellement sur les talons ce compagnon mélancolique qui lui rappelait toutes ses mésaventures. Pour tout dire, il le prit en grippe et ne songea plus qu'à s'en débarrasser. Mais l'animal tenait bon. Tartarin essaya de le perdre, le chameau le retrouva. Il essaya de courir, le chameau courut plus vite. Tartarin dut se résigner. Pourtant, lorsqu'après 8 grands jours de marche, le Tarasconnais, poudreux, harassé, vit de loin étinceler dans la verdure les premières terrasses blanches d'Alger, lorsqu'il se trouva aux portes de la ville, la patience lui échappa. Non, non, dit-il, c'est pas possible. Je ne veux pas entrer dans Alger avec un animal pareil. Et profitant d'un encombrement de voitures, il fit un crochet dans les champs et se jeta dans un fossé. Au bout d'un moment, il vit au-dessus de sa tête, sur la chaussée de la route, le chameau qui filait à grandes enjambées, allongeant le cou d'un air anxieux. Alors, soulagé d'un grand poids, le héros sortit de sa cachette et rentra dans la ville par un sentier détourné qui longeait le mur de son petit clos.